j'ai 6,50. Merci. Merci beaucoup. Eh bien non, c'est ça. Oui, ça fait. Ça commence à être la fin de la journée. Ouais, c'est chaud. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pas au soleil, mais si après ça va pas être. Ouais. Là, il y a une chose que je comprends pas, c'est ça. Très bien ici. C'est que lorsque, exemple, je prends un jus, OK? Ouais. Exemple, deux jus. Est-ce que je dois donner un pourboire? Ça dépend. Ça dépend de comment elle a été, en fait. Parce que chez nous, oui. Tout le temps? Oui. À chaque fois? Oui, parce que c'est pas inclus. Hello! Bonjour! Désolé. Ça va? Ben, aucun problème. Un peu de retard prévu. Regarde, c'est un bordel là dans les rues, je pense que t'as. Ben 3 heures moi de partir de l'aéroport jusqu'à ici vendredi, normalement ça prend 40 minutes. Ah ouais? 3 heures, ouais. Hallucinant. Mais là, quand je vais repartir samedi, là, je pars très très tôt, j'arrive, je ferai un camping, je sais pas, je dresserai ma tente, mais... Je sais pas ce qui se passe en ce moment, là, c'est... Attends, ben, on va peut-être te mettre à l'ombre, Joseph, parce que... Ouais. Parce que tu veux prendre des couleurs? Ouais, ouais. Voilà, oui, mais... Non, mais... Et comme moi, à vos rougir. Il y a un concert de gros métal, là, ah ouais? Non, c'est de l'indus. Non, c'est de l'indus, c'est un truc électro. Il y a pour tout. Et ben alors. Alors, moi, je prends laquelle, ici? Si tu veux, je sais pas. Mais moi non plus. Tu veux un truc à boire? Ah, je veux bien, ouais. C'est rafraîchissant. Alors, malgré le trafic, ça va bien? Ça va, écoute, ça va bien. Hey, tu viens quand même, tu es passé à Québec. Je suis jamais allé là. Ah, ça tient pas pour ça? Jamais, non. Ah non? Ah non, j'adorerais. Il y a deux années de suite, on devait peut-être passer dans les Franco. Oh, ok, les Franco à Montréal. Oui, et puis, il y a eu des alors, donc, le label, pas forcément donner des réponses, des machins. Bon, bref, chérie. Hey, j'ai entendu hier sur France Inter une reprise de Stéphane Escher. Ouais. Des hauts, des bas. Ah, c'est pas moi. Ça me disait rien non plus. Voyons, non. Mais... Ah non, c'est pas moi. Ils ont peut-être annoncé moi, mais c'est oui, pas moi. Oui, oui. Ah non. Bon, bah, c'est bien. C'est bah, Joseph... Non, non, mais Joseph Danvers. Ah bah ouais, ouais. J'ai plus besoin de faire des morceaux maintenant, les gens. Avec mon rêve. Ah bah c'est ce qu'il disait. Ah ouais. Ce qu'il disait, ça me disait rien. L'émission à 14h30 qui s'appelle Buffet Musique. Ah ouais. C'est une nouvelle émission sur France Inter parce que les nouvelles ont commencé cette semaine. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, en tout cas, renseigne-toi. Va faire. Tu fais tes recherches ou podcast émission. Attends, je vais couper ça. Hop. Je suis en plein déménagement. En plus? Mais nous, le déménagement, c'est le 1er juillet. Tout le monde déménage le 1er juillet. Ah ouais? Oui, alors c'est quand vrai. Tu manques le 1er juillet, tu déménages plus. C'est vrai? Oui, une journée. Non. Oui. Et en plus, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Oh là donc là. Nous, c'est pour oublier la fête du Canada. C'est pour ça qu'on déménage. Parce que... Ça va être le bordel alors. Oui, ah, le bordel pour la réservation de camions pour le changement parce que tu dois libérer une pièce pour que l'autre puisse entrer. Ah oui, c'est merveilleux. Non, c'est à vivre, hein, quand tu viendras... Ah ouais, ouais, faut venir en 1er juillet, quoi. Exactement, peut-être pas, en tout cas. Parce que les pizzerias, là, ça roule, parce que les gens achètent de la pizza et de la bière. La bière, ça roule. Ouais. Alors, bien, bienvenue à mon émission. Oui, merci. Écoute, à CKRL, tu es diffusé parce que c'est la première radio communautaire francophone au monde. Donc, ici, tout ça a commencé à 77-80. Ouais. Et Français, les Belges, les Suisses sont venus voir chez nous comment on faisait notre radio pour l'amener ici. Donc, rien de nouveau, OK? D'accord. Ça a été fait de chez nous. D'accord. Et nous, on a comme principe de présenter des artistes francophones, un peu comme Radio-Canada. On t'entend, entre autres, à Radio-Canada, à CKRL et dans les radios universitaires. D'accord. Et donc, j'espère que tu le savais. Ben, non. Non? OK. Okay. Non, mais je suis ravi. Oh, oui, mais... J'adore ça, l'idée de... C'est ça qui est bien avec la musique, c'est que tu peux être diffusé partout. Internet, ça t'amène encore beaucoup plus d'horizons. Tu te fais chier dans les bouchons à Paris et ta chanson est diffusée à Québec. Eh oui, oui, sans le savoir. Oh, oui, c'est comme bon là, il quelle heure à Québec? 10h du matin, donc c'est l'heure idéale pour bien commencer. Ah, voilà. Parce que toi, ta musique est assez relaxante, est assez posée. C'est de la musique aussi, musique d'auteur. Pour se faire masser. Oui, oui, peut-être, ça dépend. Hein. Mais c'est des chansons à texte. Oui, bah ouais, principalement. Ouais. Et tu t'es inspiré de qui? Ou on t'a inspiré Pas vraiment de. Bah, un peu beaucoup de monde et de personnes, tu vois. Okay. Quand j'écris, en fait, j'écoute plus de musique. En fait, quand j'écris, je lis des livres, je regarde des films. En fait, souvent, c'est des bouts de dialogue de film ou c'est des bouts de dialogue de livre qui me donnent envie de commencer une chanson ou de voilà, ou commencer à écrire. Mais tu es né à Paris, en France? Non, je suis né 250 km plus bas, à Nevers. Ok, oui. Tu connais? Oui, oui, oui. C'est vrai. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, c'est ça. Okay. Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour. Effectivement. Et le Grand Prix de Formule 1. Oui, voilà. Oui, mais ça, c'est plus brillant que voilà. Marguerite Duras. Voilà. Et donc, c'est là que tu as grandi, tu as fait des écoles, ouais. tu as étudié là ou... J'étais jusqu'au bac, je partais à 17 ans de chez moi, en fait. Et tu étudies dans quel domaine? En fait, au lycée, j'ai pris une filière arts appliqués. Ok. Donc, j'ai fait tout ce qui était du domaine du dessin, tu vois. Genre pour faire du design ou la pub ou des trucs comme ça. Et moi, je voulais faire du cinéma. Donc après, je suis allé... Tu veux dire quoi, acteur? Non, je voulais être réalisateur ou chef opérateur, en fait. Mais rien n'est fini, peut-être que tu peux... Ah non, c'est même en train de revenir okay. Tout doucement. Non, l'idée, c'était de préparer une école qui s'appelle La Fémis. Moi, je connais. Très difficile. Voilà. Donc là, je l'ai faite. Voilà. Et donc, après, t'es rentré à La Fémis. Voilà. Mais avant, j'ai eu un doc d'histoire de l'art, j'ai eu une licence de cinéma. J'ai eu un BTS audiovisuel oh. Et je suis rentré à La Fémis à 22 ans et je suis sorti de La Fémis à 25 et voilà. Et avec ta formation? Avec ma formation de chez Fox. Donc après j'ai bossé dans le cinéma pendant 3 ans et puis je faisais du rock depuis le lycée, tu vois, mais du rock un peu violent. Ouais, mais tes inspirations c'était Sex Pistols? Non, c'était plus des groupes comme The Drive-In ou International Noise Conspiracy. Ok, oui, ou très underground. Voilà, des okay. groupes un peu patates où ça criait et je me suis pété une corde vocale en fait. Ok. Voilà, et c'est pour ça que tu fais de la musique un peu plus relaxante. Le docteur m'a dit, c'est fini mon mais vieux. Mais sinon, tu opterais plus vers le punk, vers la musique Je sais pas, après avec des si et des nez, on est à Paris en bouteille. Oui, c'est ça, on va pas très loin. Mais moi j'écoute toujours de la musique, enfin j'écoute de tout maintenant, parce que forcément quand tu avances dans l'âge, tu verras. Non mais voilà, c'est vrai que t'es un peu moins... moi j'étais vraiment spécialisé dans ce genre de musique, j'adorais les trucs patates, énergiques. Et puis après, d'en écouter beaucoup. Après, je suis allé sur des trucs beaucoup plus calmes, etc. Après, des groupes qui métissaient les deux. Après. C'est vrai que peut-être que je ferais toujours du rock si je n'avais pas eu ce problème. Peut-être pas, je sais pas. Tu définis le style que tu fais dans quel domaine, dans quelle variation? Je sais pas, c'est de la pop. Hein. Ok. Du rock. Le grand paysage, tu vois. Non, en fait, sur scène, c'est beaucoup plus rock que sur disque. Donc c'est un peu compliqué. Un jour, il y a un gars qui a dit que je faisais du rock lettré, et ça j'aime bien. Oh, ok. Parce que avant je faisais du rock pour buveur de bière un peu. Ok, ouais, festif. Voilà, et un peu, pas vraiment festif, mais disons okay. Ok, on y va. Et puis là, là c'est vrai que du coup, dans les concerts, je me rends compte que les gens, ils écoutent, même si c'est rythmé, les gens écoutent quand même les textes. C'est ce que je disais au gars, on a joué là il y a deux jours, pas très loin, à la mairie du 3ème. Okay. J'étais en plein air, il y avait un millier de personnes et tout, et je disais de... Je vais pas être là, c'est quand? C'est dimanche? C'était samedi. Ah mais oui, j'aurais pu être là. Ah merde. Ah mais, bah tu vois. Eh oui. Et voilà, et en fait je disais à mes musiciens, il y avait deux techniciens qui nous rejoignaient pour la première fois, et je disais... parce qu'ils me demandent un peu comment ça se passait, etc. Et de toute façon, moi, les gens écoutent. C'est vrai qu'il y a un public, c'est mecs qui viennent avec des sacs à dos. Non, et qui viennent... non. Non, c'est des gens qui viennent et qui écoutent quand même les textes, même si on en voit, il y a un truc, donc c'est assez paradoxal parce que... Là, par exemple, on a fait tous les morceaux, c'était que 45 minutes, donc on a fait tous les morceaux rock et... De l'album. Et on a fini bien en nous. Ok. Voilà. Mais tu as pris sans doute des pièces de cet album. Ouais, là, j'en ai repris deux de l'album d'avant, okay. Kids et Entre mes mains. Et si tu veux, il y a un côté qui est paradoxal, où on essaie d'envoyer un peu les watts, comme on dit. Et en même temps, y a un truc, il faut que je garde la voix, je veux pas faire du rock. Je veux plus faire du vrai. Je veux garder cette voix laid back et garder ce truc qui ne sera pas vraiment du rock'n'roll. Tu veux que ta voix soit en avant-plan pour comprendre tes textes? Ouais, pas vraiment en avant, c'est juste que j'ai pas envie de... Noyer de brailler, ou de pousser, comme on aurait tendance à faire quand tu fais trois accords et t'as envie d'envoyer la voix. Donc c'est tout un truc d'essayer de retenir les chevaux pour que y a cette musique qui pousse, et en même temps cette voix posée dessus, calme, qui fait qu'on écoute peut-être un peu plus les textes que si la voix est au diapason de la musique devant. Et aujourd'hui, c'est qui tes références? Tu écoutes quel genre de... À part toi-même? J'écoute que moi, je n'ai pas le nom. Moi, j'écoute... j'aime bien les groupes comme The National ou j'aime bien. Après j'aime bien les groupes que beaucoup de gens aiment, alors Catfire, Gorillaz, Radiohead, tout ça. mais j'aime bien aussi Funeral Party, voilà, des petits énervés de Los Angeles, voilà. Et voilà, c'est un peu ce que j'écoute en ce moment. Si je réécoute beaucoup Depeche Mode. On a fait une reprise là, à la fête de la musique, on a fait Unjust the Silence et, sur un gros plateau Fnac et je me suis dit, tiens, j'ai envie de réécouter Depeche Mode. Et ça change pas, non. C'est toujours aussi actuel. Ah ouais. Un peu, peut-être que éventuellement tes albums seront comme ça. Bah, là, j'espère. On peut pas le dire parce que c'est trop récent, voilà. Mais dans 20 ans, on va réécouter c'est, ça comme en fait, voilà, et je me suis rendu compte que ce qu'ils arrivent à faire, c'est un peu ce créneau, il est pris, mais c'est un peu vers quoi j'aimerais tendre. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quand même des morceaux qui peuvent être très rock sur scène. J'ai un live là que j'écoute en ce moment. Et en même temps, il y a très peu de grosses guitares devant. C'est principalement les claviers, les petits riffs de guitare. Ouais. Et pourtant, ça, c'est entraînant. Il y a un truc, c'est vraiment comme une bête qui avance. Et lui, il chante beaucoup, mais je veux dire, il hurle pas. Non. Et pourtant, les gens bougent la tête, ça, ses textes sont bien. Voilà. Et j'aime cette espèce d'osmose qu'il y a voilà, comme ça entre. Et toi, dans l'écriture là, d'une chanson, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Bah, ça dépend. Ou la musique, est-ce que c'est la musique qui commence à se pointer, les mots se collent? Il n'y a pas de règle en fait. Les trois albums, j'ai travaillé les chansons complètement différemment. Pour le troisième, je suis parti vraiment des musiques. J'avais des textes que j'écrivais, mais sans imaginer qu'ils allaient être mis en musique. Voilà, je faisais des textes. Et j'étais derrière mon ordinateur et je faisais des instrumentaux. Et toutes les voix, je les ai en anglais. Pour pouvoir justement moduler un peu plus les mélodies. Autant que j'ai pu, après je me suis dit, maintenant tu vas raconter d'autres choses que ce que tu dis en anglais, mais en français, et essayer de garder les mélodies. Oui. Là, des fois ça marchait pas du tout parce que c'était. Alors c'est Corbeil ou on le met dans un tiroir, on le reprend par la suite? Ah, je jette rien moi. Rien. Ah, t'es comme Brassens. Ah ouais? Oui, Brassens récupérait, il pouvait prendre 20 ans à faire une chanson. Ah ouais. Une fois qu'il retrouvait, voilà. Moi, que si ça me sert pas, je me dis que c'est un signe, c'est que cette chanson ne devait pas être pour moi, mais comme j'écris pour d'autres, peut-être pour d'autres. Pour qui? Bah, j'ai écrit pour pas mal de monde maintenant, mais là je refais deux. Bah, je parle pas des projets en cours parce que ça m'a porté malheur. Non, ok. Mais là il y a deux personnes pour qui je bosse là et qui m'ont dit bah, même si tu as des textes déjà écrits, on veut bien que. Toi, on ne veut pas forcément t'écrire. Moi ça te colle pas, mais pour l'un. Et je me suis dit voilà, ça colle. Mais tu peux écrire aussi et relire ça, dire même pour une fille ça collerait plus. Voilà. C'est ça, hein. Voilà, j'ai écrit pour deux femmes et je me suis dit bah, ce texte pour moi. Je me sens plus le chanter, c'était bien quand je l'ai écrit il y a 3-4 ans. Okay. Et un truc, voilà. Et pour une femme, ce serait. Comment? Pour une femme, ce serait. Bah, ce serait bien, voilà. Chanson, voilà. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, je me suis remis à écrire il n'y a pas très longtemps. Et j'ai commencé un texte là, il y a 4-5 jours et je me suis dit. Ça, tu l'as déjà dit. Et ah oui, ben là, la redite, ouais. Mais. Continue parce que c'est peut-être voilà et c'était encore une histoire sur une prostituée, c'est un truc qui me. Et là il y a un mec voilà un gars qui fait un projet solo qui est musicien c'est un des musiciens de Yodelis, tu vois là, voilà. Oui. Et il monte son projet solo, ça va être produit par Yodelis et par M et veut que je fasse le texte de l'album. Je sais pas si ça va marcher mais on verra. Et il me dit j'aimerais une histoire sur une pute et tout. Ah bah, c'est moi. C'est moi le spécialiste. Okay, oui, c'est ça, de la pute. Donc j'ai encore écrit une histoire d'amour sur une femme. Tu as déjà habité à Pigalle? T'as fait de l'observation? Ah oui, bah voilà, j'ai 10 ans à Pigalle. D'accord, sa forme son gars, oui. J'ai eu le temps de. Voilà. Bah oui, d'observer. Oui, sa forme, bah oui. Alors donc c'est ça, là, tu travailles sur ce projet-là. Voilà, sur celui-là, en fait il y en a deux autres. Deux autres projets d'écriture. Et puis moi je suis en train aussi d'essayer de. Mais là ton album, Au Québec, c'est quand même assez chaud, on en parle souvent. Pourquoi tu écris quelquefois en anglais? Parce que. Et voilà, je ne savais pas comment l'amener, mais voilà. Parce que nous, au Québec, c'est très sensible. Hein? Ouais. Un francophone, normalement, reste dans les sillons. Ben ouais, je sais. Après, le truc, c'est comme. Dans le genre de musique que je veux faire, je ne veux surtout pas basculer du côté d'une variété que moi, j'aime pas du tout, ou d'un certain style de musique. Une variété dans le style d'Yves Montand ou. Non, dans le style non, mais Yves Montand j'aime bien, tu vois, tous ces mecs qui étaient un peu classe. Oui, ok. Mais le français va bien, je trouve, à certains styles de musique qui sont assez, ça n'engage que moi, hein, catégorisés. C'est-à-dire que si tu fais du rock, tu peux faire du rock en français, comme fait Deportivo, comme on fait Noir Désir, comme on fait plein de gens, ça marche. Voilà, maintenant, ça demande, à mon avis, un certain type de mots, un certain type de thèmes et des textes qui ne sont pas forcément ultra compréhensible. Alors tous ces groupes ont en commun des métaphores, voilà, c'est d'être ça plus du domaine de la poésie ou d'un texte un peu voilà un peu comme Alain Bachung voilà un peu surréaliste machin voilà Après, tu peux faire vraiment de la chanson française et là, tu racontes des histoires. Ouais. Hein, de Brassens, de Montembrel, ouais. Et on arrive jusqu'à Omec d'aujourd'hui. Maintenant, quand tu es dans ce que moi j'essaie de faire, c'est-à-dire d'être au milieu et de pas être vraiment dans le rock, en même temps de vouloir dire des trucs, mais de surtout pas vouloir aller du côté de la chanson, il y a des moments où le texte, pour moi, avec mes compétences à moi, ça trouve ses limites. Et c'est vrai qu'il y a des Leave Me Alone, je dis souvent, mais Take My Body and My Soul, ouais. Leave Me Alone, ouais. Ça sonne vachement mieux que Prends mon corps et mon esprit, mais fous-moi la paix. Oui, oui, oui. Et alors après, j'ai cherché d'autres mots, j'ai cherché d'autres trucs, et je me suis dit, bah ça sonne comme ça. Donc, de toute façon, 95% du. Ça va les gars ? Bonjour. Bonjour. Ouais, peut-être. Dis-moi, rappelle-moi. Enchanté. Sommes en. Non mais on coupera. On peut couper, il n'y a pas de problème. On est avec à la le Québec. Radio, donc on peut. Ah oui, j'ai pas vu. Tu veux dire. Ah oui, ben c'est discret, hein. C'est discret, ça. Edouard, ouais. Bassiste de talent. 99% des groupes français en gros, hein, c'est ça. Maintenant. Maintenant. Bon, et ben impeccable, on vous laisse profiter. Et ben ça marche. Et à très vite. Salut. À tout. Ciao. Alors donc, c'est. Je vais juste prendre un petit truc à boire. J'allais proposer de la coupure là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous buvez vous ? Moi j'ai de pamplemousse, mademoiselle, jus de. Abricot. Je prends un jus de quelque chose, tiens, je vais vous suivre. Vous avez vu où les jus ? Ils ont une bière maison incroyable. Ah ouais. Ouais, mais là je suis un peu en période de rédemption alcoolique. Okay. Ils sont là depuis ce matin. C'est fou, il y a rien qui. Cranberry, ça va être un peu acide, non ? Non, c'est amer. Amer. Des fois, ça peut être amer sur la fin. Ah ouais. Alors, les filles sont plus adéquates que moi pour te dire. Ouais, non, moi je prends une vitelle quelque chose alors. On verra. Un café, non ? Non, j'en ai déjà pris plein. Ok, là, okay. Non, mais je me lève tôt, j'ai plein de trucs à faire, donc je cours, je bois des cafés, puis en fin de journée, j'adore le café. Bah non, je vais prendre un vitel quelque chose, tiens, voilà, vitel citron. Citron ? Ok. Wouh ! Alors, mais j'ai entendu un titre où tu mélangeais le français et l'anglais. Ouais. Donc, comment tu étais indécis à savoir si tu allais utiliser la langue de Molière ou de Shakespeare, hein, c'est... Non, voilà, donc c'est, voilà, pour continuer, c'est juste que il y a des moments où je trouve que ça sonne mieux en anglais. Ouais, mais pourquoi tu utilises à la fois dans une chanson l'anglais et le français? Parce que ça sonne mieux? Ouais, parce que j'ai pas envie de me limiter, que je trouve que mon texte en français il est bien sur les couplets, que c'est souvent sur les refrains. Oui, oui, oui, c'est vrai. Les refrains, j'ai besoin d'un truc beaucoup plus mélodique. Et j'ai beau essayer de retourner en français, je trouve que ça sonne pas super. Et j'ai cette phrase, j'ai pas des phrases en anglais, juste des bouts de mots. Mon amour, My Sweet Sixteen. Ouais. Sweet Sixteen, moi je pense à Billy Idol, je pensais bah à oui, voilà, bah oui, bah oui. tous les standards, le standard du rock qui était appelé par tout le monde, etc. Mm-hmm. Et si je disais ma douce fille de 16 ans, ça sonnait pas. My Sweet Sixteen, il y a un truc qui englobe le tout. C'est un mot, c'est presque un mot francisé, on va dire. Une clé qui ouvre sur plein de. Voilà, et c'est vrai que j'ai eu envie de pas me limiter. Et puis c'était un truc que j'avais déjà fait sur l'album d'avant avec Kids et Ami Distance. C'était deux morceaux où je mélangeais un peu le français et l'anglais. Il n'y avait pas grand monde ici qui le faisait. Alors j'ai rien inventé, il y a plein de groupes qui l'ont fait avant moi. Mais dans la période où mon deuxième album est sorti, tout le monde me posait la question parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'est vrai que maintenant, ça s'est un peu généralisé ici. Français, l'anglais. Alors moi, je ne veux surtout pas aller dans le 100% anglais parce que j'aime cette langue française et je pense qu'il y a plein de trucs à faire et que c'est un peu un aveu de l'impuissance ou de feignantise des gens qui disent « Ouais, mais le français, ça sonne pas, quoi, ça sonne pas à musique, ça joue. » Ouais, bah si, ça peut sonner. Ah ouais, bah oui. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus de travail au niveau de l'écriture. Et voilà, et donc des fois, je me suis dit « On est en 2011. » À partir du moment où ma musique elle va être écoutée à Québec, à Canberra, à Tombouctou ou à Ouagadougou, c'est un peu dommage de se limiter à se dire moi je vais faire du français parce que je fais du français, c'est par principe. Non, pas de principe. Et là, genre, si je voulais faire un morceau rock un peu comme Leave Me Alone, un peu trapu, je pouvais le faire. Un morceau plutôt californien West Coast comme Always Better, je l'ai fait. Un morceau comme Les Hommes Solitaires qui est très chanson française, je le fais. Et ainsi de suite. Et j'ai pas eu envie de me poser des barrières. Et là, t'es rendu à ton quatrième album? Là, c'est le troisième. Troisième album. OK. Et est-ce que tu vois une certaine évolution à partir du premier jusqu'à maintenant, ou au contraire, c'est une continuité? Parce que j'ai écouté sur Internet, malheureusement, en bride, le dernier album, pour être quand même armé. Mais j'ai eu l'album, le vrai, le physique, donc d'accord. Je l'écouterai dans ma chambre tout à l'heure, ce soir. Et, mais... tu me dis au début, j'ai une formation en cinéma, et c'est vrai, lorsque j'écoute les chansons que tu nous proposes, c'est un film. Ah, ben ça, c'est... Mais c'est vrai, ouais, c'est bon. Mais tu me disais ça, puis là, je voyais, ah, OK, ouais. Là, je comprenais pourquoi, là. Ben, c'est un truc qui revient, c'est une phrase qui revient depuis 3 albums, donc c'est en ça que je pense qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que moi, j'ai pendant avant de faire la FEMIS, donc j'ai fait quand même une formation d'image, et j'avais déjà bossé dans le cinéma, je travaillais déjà dans le domaine de l'image du cinéma. Mais donc, pendant des années, en tant que chef opérateur, j'étais obligé de traduire en image les mots que des réalisateurs avaient en tête. Et là, ma démarche, elle est inverse. C'est-à-dire, c'est de traduire en mots les images que moi, j'ai en tête. Et donc, c'est vrai que chacune de mes chansons, ça part d'une image. Il y a, sur le deuxième album, Kids, voilà, c'était, je l'ai écrite dans l'avion en allant à Los Angeles pour mixer avec Caldato. Et puis, j'allais devenir père. Il y avait ce truc qui était bizarre dans ma tête, cette dichotomie entre le mec dont j'ai l'impression qu'il est éternellement jeune et puis qui vieillit non, quand même, ah ouais, et qui devient père, etc. Sur, Leave Me Alone, sur le dernier album, c'est cette histoire de pacte avec le diable, le mythe rock'n'roll. Et je me suis inspiré du roman que j'ai écrit l'année dernière qui parle justement de tout ce mythe faustien. Oui, t'es aussi romancier. Voilà, et du coup, il y a tout un truc qui fait sens, mais tout naît en image. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un cadre. Sur le premier album, une chanson qui s'appelle Pigalle, et Pigalle, j'imaginais des réverbères allumés, la pluie, personne dans les rues et moi qui marche. Et une lumière au bout de la rue, comme un phare à l'horizon et un bar. Et voilà, et c'était ça le début. Mais éventuellement, comme tu as une formation, tu peux faire tes vidéos, c'est ça? Bah je peux, ouais. Est-ce que ça t'ennuie si on se décale juste d'un rang? Il n'y a pas de problème. J'ai hyper chaud. Ok. On va se décaler juste d'un rang. T'es en train de cuire? Je te laisse te placer, puis je vais placer. J'ai le jean qui est en train de coller à la peau. Ah oui, c'est chaud. Ici? Ouais, on change de... Ça te va, là? Pas de problème. C'est bon? Une pinte de Vittel. Ouais, une pinte de Vittel. Veux-tu te placer ici pour pas cuire, toi? Ouais. Moi, ça me dérange pas, je suis habitué. C'est vrai? Tu vas te mettre au soleil? Bah oui. Bah oui, mais après, ça plombe. J'ai déjà rougi de toute façon maintenant. Ouais, mais moi, il n'y a aucun problème. Non. Ça fait juste trois fois qu'on change. Ah, je suis désolé. On était... Non, il n'y a pas ah, ouais. De problème. Puis la jeune fille nous a fait déplacer. C'est la chaise musicale, c'est merveilleux. J'avais vraiment chaud là. Ben oui, c'est mieux. Quand ça plante, ça plante. Et c'est moins pire que l'année dernière où c'était la canicule. Je me souviens même plus des... Ben moi, j'étais ici. Ah ouais. Je souhaitais comme la guerre de ma vie. Bon, alors on parlait de cinéma, donc de tes vidéoclips qui éventuellement seront peut-être... Ouais, alors en fait, je pourrais les réaliser, mais le problème, c'est que, par exemple, là, c'était on vient de terminer mon 5e, et après, là, je vais aller voir visionner, d'ailleurs, ton 5e clip. OK. Et je les ai jamais réalisés, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où... je commence à réfléchir à chacune des chansons, à chaque fois je me dis la maison de disque me pousse en me disant réalise-le. Ah, que c'est ta maison de disque te... Ouais, ils me disent ce serait bien de le réaliser, tu vois, si toi comme ça, ce serait bien que tu le fasses. Et j'y arrive pas parce que tout ce qui me vient en tête, c'est déjà dit dans la chanson. Alors je peux pas sortir de ce truc-là, donc c'est vrai que, à part pour celui-là que j'ai toujours pas réalisé, mais dont j'ai eu l'idée de base, peut-être que le prochain je le ferai du coup. Okay. Mais t'es trop collé à ton œuvre. Voilà. Tu pourrais faire des vidéos pour les autres. Voilà. Et j'aime bien en revanche travailler avec des gens. C'est-à-dire que j'aime bien travailler avec un réalisateur parce que du coup on peut discuter d'images, on discute de techniques, de trucs, et de découpage. Et puis toi tu sais comment fonctionne la formule. Voilà. Là je suis allé au montage 3 jours, on parle en termes techniques, on gagne du temps sur le tournage. C'est le clip de Radio One. Ok. Voilà. Okay. Et voilà, et c'est vrai que là j'ai trouvé un réal qui est assez. Qui me ressemble, un réalisateur qui me ressemble assez. Qui a compris ce que je voulais et je suis super content du clip. Donc je me dis peut-être c'est le début d'une collaboration, pourquoi pas co-réaliser. Ah, okay. Ou, tu vois, voilà. Avoir un œil mais le laisser filmer, voilà. Et après ça dire un peu ton idée pour le montage. C'est bien des fois, je fais déjà beaucoup de choses dans le projet, donc c'est bien des fois d'arriver à déléguer. Moi je fais les chansons, je réalise l'album, j'ai un peu les idées des clips, etc. Mais au bout d'un moment, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour vendre la musique, pour réaliser les clips, pour faire du marketing, pour tout ça, c'est leur métier. Ouais. Au bout d'un moment, il faut savoir. Voilà.